Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Harmonie de la création. Résumé de la création, les forces physico-chimiques, Monsieur Renan, organisation de notre planète d'après Monsieur Faye, sa température, son mouvement de rotation, l'inclinaison de son axe, l'humidité de son atmosphère, la répartition de ses mers, troubles provenant du moindre changement. Même harmonie entre le règne végétal et le règne animal, les végétaux en excès tempérés par les herbivores en excès tempérés par les carnassiers en excès tempérés par eux-mêmes. Pourquoi l'homme parut en dernier? Nous nous sommes attachés, jusqu'à présent, à reconstituer l'œuvre de la création à l'aide de matériaux empruntés aux livres saints et à la science moderne. Nous avons prouvé que ces livres et cette science, loin de se contredire, se prêtent au contraire un mutuel et utile concours par l'apport de leurs communications respectives. Seulement, obligés, pour l'intelligence de nos descriptions, de scinder, dans autant de chapitres à part, les divers temps de la création, notre travail a été plutôt un exposé analytique qu'une étude d'ensemble, d'où il résulte que nous n'avons pu suffisamment indiquer par quel merveilleux enchaînement l'ordre et l'harmonie règnent dans l'univers. C'est ce que nous allons essayer maintenant de faire comprendre. Toutefois, que les darwinistes se rassurent, nous n'en profilerons pas pour faire du sentiment, ainsi qu'ils nous en accusent à tout propos. Nous serons tout aussi positifs qu'eux, car nous nous contenterons de rapprocher, dans un résumé succinct, quelques faits, acceptés de tous, et de mettre en relief les liens qui les unissent. Ceci dit, entrons en matière. Nous avons établi que la Terre a été, dans le principe, un globe de matières incandescentes qui, par leur refroidissement successif, ont fini par rendre notre planète habitable et ont permis à la vie de s'y manifester. Il y a donc eu une période où les forces physico-chimiques régnèrent seules sur la Terre, mais cette période mérite-t-elle, ainsi que le veut Monsieur Renan, le nom de période atomique pure? En d'autres termes, la matière se trouva-t-elle livrée aveuglément à ses forces, sans direction, sans contrôle et sans frein? Nous avons vu au contraire l'intervention divine faire succéder à un désordre apparent l'ordre et l'harmonie. Note. Monsieur Renan, lui aussi, fait intervenir l'harmonie, à propos de période atomique pure. Il semble même donner à entendre que le monde s'est constitué par sa mélodieuse influence, un peu comme la ville de Thèbes. Aux accents d'Amphion les pierres se mouvaient, et sur les murs thébains en ordre se rangeaient. Fin de la note. Je ne saurais, du reste, mieux compléter cette démonstration qu'en empruntant à Monsieur Fay quelques exemples qui prouveront combien la constitution de notre planète a été admirablement équilibrée. Il faut d'abord que celle-ci se meuve dans une orbite à peu près circulaire, qui la maintienne en rapport de température convenable avec le Soleil. L'étude des êtres vivants nous montre en effet que la température doit être comprise dans des limites relativement restreintes, puisque les germes ne peuvent se développer qu'entre 0 et 60 degrés. Or, ici, c'est absolument ce qui a lieu. Le mouvement de rotation du globe sur lui-même ne doit être non plus ni trop lent ni trop rapide, pour que ces températures agissent suffisamment, dans un temps donné, sur toute la surface de la planète. Trop lente, Cette rotation laisserait trop d'influence à la radiation ou au refroidissement nocturne. Trop rapide, elle en laisserait trop à l'absorption de la chaleur. Or, ici encore, toutes ces conditions sont remplies. Pour que la chaleur du soleil, qui vivifie la Terre, n'éprouve pas d'autres variations trop grandes, l'axe de rotation du globe annexé doit être en apparence placé irrégulièrement et incliné sur le plan de son orbite. Mais il ne saurait l'être non plus ni trop ni trop peu, précisément, cet axe occupe le point précis. Il faut, de plus, à la Terre une atmosphère capable d'absorber et de modérer la chaleur du soleil pendant le jour, en s'opposant au refroidissement pendant la nuit, et, pour remplir ce but indispensable, cette atmosphère doit contenir de l'eau. Elle en contient. Enfin, la masse des eaux de la planète, qui fournit cette eau à l'atmosphère, ne doit pas recouvrir entièrement le globe. Il faut des espaces suffisants de terrains solides émergés, et les mers doivent avoir un équilibre stable. Or, tout a été si merveilleusement calculé entre le trop et le trop peu, l'excès et le défaut, que la mesure à cet égard est parfaite. Mais cet ordre et cette harmonie ne maintiennent pas seulement les divers rouages de notre planète dans les rapports les mieux appropriés pour leur fonctionnement, ils contribuent aussi, pour une large part, à ce que je serais tenté d'appeler « la parure » de l'univers. Voyez plutôt quelles seraient les conséquences d'un trouble quelconque apporté à une seule de ces conditions d'équilibre. Prenons pour exemple l'atmosphère. Je suppose qu'au lieu de conserver sa densité normale, elle se raréfie. Que va-t-il en résulter au point de vue plastique? La lumière, n'étant pas suffisamment tamisée par la couche d'air qu'elle traverse, perd cette teinte d'azur qui charmait les yeux sans les fatiguer et se transforme en une sorte d'éclair électrique qui, parcourant l'espace comme le sillonnement de la foudre, éblouit en même temps qu'il aveugle. Il n'y a plus que des clartés et des ombres, répandant sur tous les objets une lueur sinistre. Combien d'autres faits je pourrais citer venant à l'appui de celui-là? Ainsi donc l'organisation physique du globe avait été réglementée, dès l'origine des choses, avec une harmonie et un ordre parfait. Voyons maintenant s'il en a été de même pour les conditions d'existence et d'équilibre des êtres vivants. Un fait, nous le savons déjà, domine tous les autres, la dépendance mutuelle du règne végétal et du règne animal. Le premier de ces règnes produit ce que consomme le second, puis la restitution a lieu du second au premier. Les animaux s'approprient l'oxygène de l'air et exhalent du carbone, les végétaux s'approprient le carbone de l'air et exhalent de l'oxygène. Ainsi s'explique comment la composition de l'atmosphère, que chacun de ces deux règnes troublerait isolément, se trouve au contraire maintenue intacte par cette mutualité. Voilà donc un premier résultat de l'harmonie des règnes. Mais continuons. Si les végétaux eussent été abandonnés à toute l'exubérance et à toute l'expansion de leur sève, ils eussent fini par envahir la totalité du globe. C'eût été, en grand, l'histoire de ce que nous voyons, sur une échelle moindre, pour les forêts vierges de l'Amérique. Peut-être alors eût-il fallu, pour faire place aux autres êtres de la création, quelques cataclysmes analogues à celui qui, à l'époque carbonifère, engloutit le règne végétal et, par l'action des siècles, le transforma en houille. Heureusement l'apparition des animaux herbivores y mit bon ordre. Ceux-ci, en broutant l'herbe des champs et, au besoin, en s'attaquant aux jeunes pousses des arbres, tempérèrent les excès et les écarts d'une trop luxuriante végétation. Fort bien. Seulement les animaux herbivores sont en général de très grands mangeurs, de plus, les premiers qui parurent sur le globe, Dinotherium, mastodonte, rhinocéros, représentaient de véritables colosses, dont l'appétit devait être en rapport avec leur immense volume, or, nous avons dit qu'ils se comptaient par millions. Ils eussent donc promptement ravagé toutes les espèces végétales et détruit l'équilibre harmonique du règne tout entier, si un correctif n'était venu mettre un frein à leur trop grande multiplication. Ce correctif, ce fut l'apparition des animaux carnassiers. Ceux-ci, par la guerre qu'ils firent aux herbivores, en diminuèrent sensiblement le nombre et laissèrent reposer d'autant le règne végétal. Oui, mais les carnassiers, de leur côté, eussent promptement anéanti les herbivores, si, tournant contre leur propre race leur instinct de destruction, ils ne se fussent entrés dévorés. Ils se trouvèrent de la sorte suffisamment diminués en nombre pour ménager les herbivores, mais pas assez cependant pour qu'il en résultât de trop grands vides dans leur propre rang. Voilà donc bien des difficultés aplanies, bien des dangers conjurés, bien des problèmes résolus. C'est à ce moment que l'homme paraît, juste à son heure et à son rang. Il ne pouvait venir immédiatement après les végétaux, puisqu'il n'est pas exclusivement herbivore, il ne pouvait venir immédiatement après les animaux aquatiques, puisqu'il n'est pas exclusivement ichtyophage, il a donc dû venir immédiatement après les animaux terrestres, dont la chair complétait son alimentation, puisqu'il est à la fois herbivore, ichtyophage et carnivore, enfin, il n'a paru qu'en dernier dans l'ordre de la création, parce qu'il devait en être non pas seulement le but, mais le couronnement. Comment ne pas reconnaître, ici encore, l'action continue d'une intelligence coordinatrice et souveraine? L'homme but de la création. Une pensée profonde de Bossuet. Ce qui distingue surtout l'homme des animaux, la similitude de leurs organes prouve contre l'identité de leur nature, l'animal n'a été qu'un instrument de la création, l'homme en a été le but. Lugubre aspect de notre planète avant qu'il parût, tout était mort, avec lui tout, prend vie, la civilisation, concert de toute la nature dont il est le chef d'orchestre, d'où lui vient la lumière de son esprit. On voit dans l'homme, a dit Bossuet, la suite de Dieu. Dans ses desseins, Dieu avance toujours, il ne s'arrête que lorsqu'il a créé l'homme. L'homme n'a donc pas été seulement le dernier mot de la création, il en a bien réellement été le but. Et, en effet, tous les êtres vivants qui ont occupé la Terre avant lui ont assisté, inconscient, à la série de phénomènes qui préparaient son avènement. C'est par là que l'homme, ayant été créé à l'image de Dieu, se distingue et se sépare des animaux dont sa nature terrestre le rapproche. Bossuet fait encore, à propos de ce rapprochement, une remarque d'une profonde justesse. Si, dit-il, les organes sont communs entre les hommes et les bêtes, il faut conclure nécessairement que l'intelligence n'est pas attachée aux organes, qu'elle dépend d'un autre principe, et que Dieu, sous les mêmes apparences, a pu cacher divers trésors. Note. Écoutons également Buffon, l'orang-outan, dit-il, qui ne parle ni ne pense, a néanmoins le corps, les membres, les sens, le cerveau et la langue entièrement semblables à l'homme. Puisqu'il peut faire et contrefaire toutes les actions humaines, et que, cependant, Il ne fait aucun acte d'homme, ce n'est qu'un pur animal, portant à l'extérieur un masque de figure humaine. L'homme est d'une nature si supérieure à celle des bêtes, qu'il faudrait être aussi peu éclairé qu'elles le sont pour pouvoir les confondre. Fin de la note. Argument admirable, dont la valeur s'accroît à mesure que les organes communs deviennent plus nombreux, et les apparences plus semblables, d'où il résulte qu'à l'inverse de ce que prétendent les darwinistes, plus les similitudes organiques sont grandes entre l'animal et l'homme, plus grande est la preuve qu'un abîme sépare leurs deux natures. Ainsi donc, en créant l'animal d'abord, l'homme ensuite, Dieu a indiqué dès l'origine leur destinée respective. L'animal n'a été qu'un instrument de la création, l'homme en a été le but. Mais je prévois d'ici l'objection. Prenez garde, va-t-on me dire, vous touchez aux causes premières, ignorez-vous que leur recherche est interdite à l'homme? D'ailleurs, le nom de Dieu n'est pas à sa place dans un livre de science. Et quoi? Répliquerai-je à mon tour, la connaissance des causes secondes serait la seule que notre esprit fût apte à saisir, et la nature ne pourrait rien révéler de son auteur. Non, ce n'est jamais moi qui souscrirai à ces prétendus scrupules d'une fausse philosophie. J'y souscrirai d'autant moins qu'en établissant que le plan de la création n'est pas issu de l'action nécessaire des lois physiques, mais a été librement conçu par une intelligence supérieure, en vue de l'homme. Nous en aurons fini avec les théories d'un matérialisme et d'un athéisme également abrutissant. Poursuivons donc notre démonstration. J'ai dit et je le répète, en l'accentuant davantage, l'homme a été le but de la création. Il suffit, pour s'en convaincre, de se représenter l'état et l'aspect de notre planète au moment où l'homme va paraître. La nature tout entière semble comme frappée de stupeur et se recueillir dans une anxieuse attente. La terre est sans culture et ses produits sans objet. Rien même n'indique à sa surface qu'elle renferme dans son sein d'immenses richesses en métaux, en pierres précieuses, en houille. L'animal poursuit passivement, comme un automate, le cycle de son existence, car il n'a d'autre destinée que de vivre, se perpétuer, puis mourir. Quant au bassin des mers, qui occupe les trois quarts du globe, il n'offre aux regards attristés qu'une vaste solitude et des horizons sans bornes. C'est au point qu'on serait tenté de s'écrier : tout est mort. C'est la mort qui si vous respirez. L'homme paraît. À l'instant tout s'anime, tout vit. Les champs se peuplent, la terre se couvre de moissons, et de ses flancs entrouverts s'échappent de splendides trésors, des routes, des canaux la sillonnent de toutes parts, la mer est franchie par de hardis navigateurs, l'atmosphère, par des aéronautes plus hardis encore. Il n'est pas jusqu'à l'animal qui, tout à l'heure sans emploi, ne devienne un des agents les plus utiles et les plus actifs de ce merveilleux mouvement. Enfin, il s'établit entre les divers groupes humains un tel échange d'intérêts, d'idées et de personnes, que, pour désigner ce nouvel état de choses, il va falloir créer un mot nouveau, la civilisation. Ainsi donc, sans l'homme, le monde était comme s'il n'existait pas, avec l'homme, il a reçu l'impulsion et la vie. Et vous iriez soutenir encore que l'homme n'a pas été le but de la création. Celle-ci n'a donc eu aucun but, pourquoi dès lors ne pas avoir laissé le monde à l'état de chaos? Commencez par le doter de tous les éléments d'une organisation admirable, puis ne pas l'organiser, C'est comme si vous faisiez venir de tous les coins du globe les artistes les plus éminents pour l'exécution d'un immense concert. Chacun est à sa place attendant le signal, mais les voix et les instruments restent muets. Pourquoi ? Il n'y a pas de chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, dans ce merveilleux concert qu'on appelle la création, c'est l'homme. Que, l'homme, toutefois, ne s'exagère pas l'importance et la nature de son rôle. La tendance des esprits aujourd'hui est de vouloir le soustraire à cette vassalité envers le Créateur. Mais, qu'il le sache bien, si tout a été fait pour lui, rien n'a été fait par lui. Ses œuvres les mieux réussies ne sont, en définitive, que la combinaison de matériaux dont il n'est point l'auteur, et l'application de lois qu'il n'a point inventées, seulement, Dieu lui a donné la science de les coordonner. Il en est donc un peu de la lumière de son esprit comme de celle qui éclaire la planète qu'il habite, c'est une lumière d'emprunt. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.